4. Comprendre une discussion. A. Dans un lieu public. Activité 1. Dialogue 1. Bonjour, madame. Vous désirez ? Je voudrais un café gourmand, s'il vous plaît. Bien, madame. Je vous l'apporte tout de suite. Oh, je voudrais un verre d'eau également, c'est possible ? Bien sûr, madame. Je vous l'apporte avec le café. Dialogue 2. Oh, il est déjà 2h moins le quart. Mon client va arriver. Je dois retourner au bureau. D'accord, à ce soir, mon chéri. Bonne chance avec ton client. Merci, passe une bonne journée. À plus tard. Dialogue 3. Et si on allait au cinéma ce soir ? Bonne idée ! Quel film est-ce que tu voudrais voir ? Les Infidèles. Ah ! Et pourquoi pas aller au théâtre ? Oui, ça nous changera ! Regardons le programme culturel. Dialogue 4. Comment est-ce que je peux me rendre à la gare d'Austerlitz ? Prends la ligne 10 du métro. C'est le plus direct. Tu es sûr ? Je dois y aller après le travail. Ah bon ? Alors, prends la ligne 5. D'accord. Merci.